Jodi a nou ansanm, na pe loue nou ou. Jodi a nou devan, na kontemple gras ou. Si Alpha, Frè Josué chéri, Omega, on est des moun yo loue, on est des moun yo chante. C'est lui seul qui commencement, c'est lui qui la fin. Exaltez-vous. N'a ploué. Seigneur Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, c'est vous. Glorifié. C'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour nous, glorifié. Sous la terre. Sous la terre, c'est pour nous glorifié. Même si m'pas qu'à manger, même si m'pas jouer de côté pour m'dormir, c'est pour nous glorifié. Ou qu'on délivre, ou qu'on casse les chaînes, bon Dieu, c'est où, bon Dieu, c'est où, c'est où. Nan mwen béni chaque temps m'louer. C'est pour nous glorifié. Kay mwen béni les m'adoré. C'est pour nous glorifié. C'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous bon Dieu. C'est pour nous glorifié. Même si mwen malade, même si m'l'hôpital. fam chante louange, fam chante bon grâce, bon louange. Oh bon Dieu, c'est pour nous glorifier.